Induna palza, no cui se de grome, po puja no taita, no cui se valime, halba ane triki, se mame e chare, istame se skeciti, pierdolo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Alouest plein de nouveau. Aujourd'hui, on va aller en ex-Yougoslavie, à la fois en Croatie et en Serbie. Salut souris. Salut Mickey et salut tout le monde. Ouais, je fais un petit mix, voilà, comme Ah ça. ouais, bon c'est bien aussi, hein. Voilà, pourquoi pas, n'est-ce pas? On Ça fait longtemps commence. d'ailleurs qu'on n'a pas fait de mix et qu'on fait des émissions juste par pays. Hein. C'est vrai. Mais Hein? est-ce que c'est pas parce qu'on commence à avoir une bonne base dans chaque pays pour plus avoir besoin de mixer? Ah, je Je sais sais pas, pas. je demande, hein. Ouais, je sais pas. Écoute. Je me retrouve là à réfléchir. Mais ouais, je pense qu'en fait, il y a un moment où on a commencé là comme ça à faire par pays. Et puis là, on s'est plus trop posé la question de refaire des mix ou pas. Mais bon, bref, écoute. Après, là, en regardant la playlist, on voit que il y a beaucoup de morceaux qui sont qui ont été enregistrés pendant que les groupes faisaient partie du même pays. Donc ça, en plus, Oui, ça se c'est vrai. tient. Ouais, c'est C'est vrai. un peu différent de Enfin, en tout cas, des groupes qui ont été fondés, oui, avant que ça avant que ça split pète. dans tous les sens, ouais. Et que c'est quand même pas encore vraiment fini tout ça, Oh là. hein. Putain. Enfin bon, j'espère qu'ils vont se retenir parce qu'il y a déjà assez là, hein. Déjà pas mal, hein. Ouais. Et on commence à Novi Sad, dans l'ouest de la Serbie. Ouais, avec un groupe créé en 89, donc, qui s'appelle Atheist Rap. Et le morceau Zapadna Europa, qui veut dire Europe de l'Ouest. C'était les Serbes de Atheist Trap avec Zapadna Europa. Et on va aller maintenant en Croatie, à Zagreb. Ouais, on va faire des petits allers-retours comme ça. D'accord. Avec un groupe qui. Alors, comment dire? BRKO, je ne sais pas trop comment prononcer ça. Berkovi, Ouais, si je voilà. pense que c'est ça, un Covid. Apparemment, je voudrais dire moustache. Ah. Mais bon, comme je ne connais pas du tout le croate ou le serbe, je me méfie des traductions des fois. Bref, du coup, ouais, un groupe qui a été fondé en 2004, par contre, donc un peu plus récent. Et alors, avec un morceau qui s'appelle Vise ni Pankeri ne Sushayu Punk, je dirais. Ouais, sous chariot. Ouais, et donc, qui veut dire même les punks n'écoutent plus de punk. C'était mieux avant. Et c'était les Croates de Cracovie avec Vichy ne Pankeri ne Slushayu Punk. Allez, la Serbie avec Bichej. Bichej, un truc comme ça. Ouais, voilà, Béchey. Bon. un groupe donc de, voilà, de ce que tu viens de dire, de Béchey, formé en 2007, et c'est Fiskalni Rachum, avec le titre Betonska Nostalgia, nostalgie du béton. Ah, bah, pourtant, ils ont de quoi faire hein, par là-bas, niveau béton. Mais oui, ça doit donner la nostalgie, ouais. En tout cas, ça ne doit pas donner le moral. La nostalgie du brutalisme. Qui n'adore pas, hein? Ici, on va pas tomber aussi. Chronique, C'était Fiscalni Ratchoun avec Betonska Nostalgia. Et on reste en Serbie à Kragujevac. Ouais, avec un petit groupe punk hardcore créé en 82, donc ça c'est beaucoup plus vieux. KBO. Et le titre Samotsa voudrait dire solitude. C'était KBO avec Samocha. Et on reste en Serbie, mais on va à Belgrade avec Bongo BGD. Ouais, Pogon BGD, Ah, peut-être. ouais, écoute. C'est un peu au petit hasard, au petit bonheur, la chance, quoi. Du coup, ouais, un groupe de Belgrade, comme tu as dit, de 2004. Et on va passer deux titres. Obican Čovek, qui veut dire un homme commun, un homme banal. Et Zbog Tebe, qui veut dire à cause de toi. Čovek, i šta ti pripada kad moraš da otmeš se goli opstanak da založiš svoje i staviš sve na kocku da bi istero svoje stalo radiš samo da bi bio katakope očekuju da trpiš to jer uvek može gore samo da bi truo sistem podigo na noge ako nećeš ti, ima ko će ovo je himna običnog čoveka za nogu borbu sutra što ga čeka ovo je čoveka i svoje strane ćemo svali na njega. Tu je samo da ga ostavi na cedilu, da ga zažma će ispljune na ulicu. Uvijek sebi sam da je prepušten, a kad se brani sam da ga osude. Bira manje zlo da sačuva slobodu. Običan čovjek krije nikomu. Ovo je himna običnog čovjeka za novu borbu, sutra što ga čeka. Ovo je himna običnog čovjeka, gine na frontu 21. veka. BGD avec Običan Čovek et Zbog TB. Allez, on retourne en Croatie à Vinkovci. Ouais, Vinkovci. Vinkovci, t'as vu, j'ai rajouté. Il n'y a pas assez de lettres, du coup, j'en ai rajouté. Bah oui, t'as rajouté une voyelle puisque ouais. V suivi d'un C en français, forcément, c'est un peu difficile. Ouais. Donc, ouais, le groupe, c'est Pogreb. X, créé en 78, hein, donc quand même un parmi les bien anciens, c'est clair quoi. Et alors un membre bien connu de ce groupe, c'était Ivica Čuljak, surnommé Kecher, plus tard connu sous le nom de Satan Panonski. et on va reparler de Satan Panonski à la fin de l'émission là pour le dernier morceau. Le groupe a splitté pour la première fois en 83 lorsque ce fameux chanteur s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique à Popovača. Ils ont continué à jouer en public jusqu'en 85. Et lorsque Satan Panonski, ça m'a traduit Satan Panonski en Satan de Panouille. lorsque, oui, quand Satan Panonski en fait sortait de temps en temps de l'hosto psychiatrique, quoi. Et apparemment, le groupe s'est reformé en 2006. Et on va jouer le morceau Organi, qui veut dire organe, je crois. Donc, plutôt simple pour une fois. Organizuj kreću, organizuj nameću. Organi mene ljube, organi meni služe. Postoji organ što voli moće, postoji organ što voli tuče, postoji organ što mene hoće, postoji organ ne od juče. Moji organi uglavnom su dobro, ostale ne znam, nisam ni probao što je dobro, al u duši trulo srce što se ruši. Postoji organ što voli tuče, postoji organ što mene hoće, postoji organ što voli oče, postoji organ ne od juče. Alkohola, od mučenja s puno bola, moje srce od umora, pod pritiskom stati mora. God, ja sam lud, ko je god? Ja sam gad, ko je idiot? Ja idiot, ko je protiv? Ja sam protiv, postoji organ što voli tuče. Postoji organ što mene hoće, postoji organ što voli hoće, postoji organ ne od juče. Jel može tehnička služba malo? C'était Pro Game X avec Organi et on retourne à Novi Sad avec Provocatia. Ouais, là on va passer deux morceaux de deux groupes de Novi Sad, hein, donc le premier c'est Provocatia avec Povo Renge Imagia qui veut dire la confiance c'est de l'imagination. Ne bi se mogu ja i sam. Oh! nazista preterujem, a ljude dobro poznajem. Zajebat će te sutra dan, kad im ne budeš potreban. Poverenje je imaginacija, egoista moja preokupacija. Sam sa sobom ja sad se pobeđujem, i više nikom sada ne verujem. C'était Provocaccia avec Poverenje, c'est Imaginatia. Et on reste donc à Novi Sad dans les années 80 avec Rita Mnereda. Ouais, qui apparemment veut dire le rythme du désordre. Formé en 87 et avec le morceau Sekania qui veut dire souvenir. C'était donc Rita Mnereda avec Sekania. Et on va retourner aux aventures de Satan Panonski. Voilà, le fameux Satan Panonski, qui veut donc dire Satan de Pannonie. Alors j'ai appris que la Pannonie, c'était une région qui recouvre un petit, une certaine zone des Balkans, un petit peu en Hongrie, un petit peu en Autriche, donc une espèce de truc là, comme ça, une zone interfrontalière. Entre Et tradition et modernité ou pas? alors, écoute, ça, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai appris un truc parce que Pannonie, je t'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et donc, bah, voilà, donc ce fameux gars va avoir de légers démêlés avec la justice. Parce qu'en fait, bah, si je me rappelle bien. Ah non, alors, attends, je vais trop vite. Donc, bah, il passe 3 mois d'abord dans un centre correctionnel à Lipovica. Parce que bah, il a voulu éviter le service militaire, hein, on comprend. Et bah, en 77, il a ensuite été mis dans un hôpital psychiatrique. Ah, donc ça commence quoi. Bon après en 80, bah, il commence la zik avec Pogrel X, dont on a passé un morceau là juste Tout à avant, enfin l'heure. voilà, tout à l'heure exactement. Mais déjà en 80, en fait, il se retrouve au milieu d'une baston et alors, bon, il plante quelqu'un avec un couteau. Il n'a pas réussi à prouver que c'était de l'autodéfense, machin, là, voilà. Au départ, il est condamné quand même à 12 ans de prison, mais qui sont transformés en peine à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, voilà, donc du coup, peut-être parce qu'il a déjà fait un passage avant et que, voilà. Mais après, je pense que le gars était quand même bien gueudin, quoi, donc, mais dans le bon sens, hein, dans le sens, il était bien. Oui, il ne devait pas être compris, forcément. Je pense qu'il avait bien la rage. Mais donc, vu qu'il était en HP, bah, il pouvait avoir en fait, des perfs, mais du coup, ce qui va lui permettre de continuer en fait, à faire quelques concerts et des perfos, quoi. Et bah, en 85, il fonde son propre projet, le fameux Satan Panonski. Et en 90, il est amnistié et complètement libre. Ses perfos, en fait, bah, elles sont un peu. Enfin, moi, ça m'a fait un peu penser à la Gigi Aline, en enlevant le côté scatologique, par contre. En tout cas, j'ai pas vu ça. Mais c'est plutôt, ouais, voilà, qui se coupe à coups de rasoir, qui s'éclate des bouteilles sur la tête et tout. Bon, il a des paroles il a des textes, en fait, ultra rudes, super violents, et ses perfos portent le nom d'autodestruction. Hein, donc, voilà. Ça fait quand même. Tout est dit. Et puis, bah, après, voilà, il y a la guerre qui éclate, hein, n'est-ce pas? Bah, lui, il rejoint l'armée croate, il combat sur le front, bah, dans les environs de son village, là, Ah putain, Vinkovski, un peu chaud. À Et dire. puis, ouais, quand même, c'est chiant à dire. En 92, bah, il est tué. Et on ne sait pas trop, en fait, ce qui s'est passé. Alors, la version officielle qui fait franchement ricaner, c'est qu'en gros, il aurait glissé et que l'arme est partie toute seule. Voilà. Le truc où t'es là, vous auriez pu peut-être vous donner la peine de trouver un truc un peu plus plausible ou un peu moins con, mais bon, bref. Parce que, bah, en fait, on pense qu'il a été plutôt tué par ses camarades de régiment, quoi. Donc voilà. Bah, on ne sait pas trop pourquoi, une histoire de règlement de compte, D'accord. une histoire bien sordide, quoi. Voilà, donc c'est toute l'histoire de Satan Panonski, enfin toute l'histoire en tout cas, une partie. Et puis bah, on va passer un de ces morceaux vraiment iconiques qui s'appelle Hard Blood Shock. Jack is not the c'est donc avec Satan Panonski que se termine cette émission serbo-croate. Merci à vous de l'avoir écouté et merci à toi, Souris, de sa préparation et de sa co-animation. Eh ben, avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en Europe de l'Est et en Europe centrale et en Europe du Sud. Restez à l'écoute de la Drouguise Radio car la voix de la Hoï ne s'éteint pas. Salut. Salut.